Quand Sylvie née, vit la petite fadette auprès de son lit, il parut mécontent et ne voulut point répondre comment il se trouvait. Alors la fadette fit signe qu'on le laissa seul avec lui. « Sylvie née, donnez-moi vos domaines à les miennes et répondez-moi selon la vérité, car je ne suis pas dérangé pour de l'argent. Et si j'ai pris la peine de venir vous soigner, ce n'est pas pour être mal reçu et mal remercié de vous. Faites donc attention à ce que je vais vous demander et à ce que vous allez me dire, car il ne vous serait pas possible de me tromper. » « Demandez-moi ce que vous jugerez à propos, fadette, » répondit le Besson. « Tout est sotti de s'entendre parler si sévèrement par cette moqueuille de petite fadette à laquelle, au temps passé, il avait si souvent répondu à coups de pierre. « Sylvain Barbeau, » reprit-elle, « il paraît que vous souhaitez mourir. Ne serait-ce pas ce qui pourrait m'arriver de plus heureux de mourir lorsque je vois bien que je suis une peine et un embarras à ma famille par ma mauvaise santé, par... Dites tout, Sylvain, il ne me faut rien sceller. Et par mon esprit soucieux, que je ne puis changer, reprit le Besson tout accablé. Et aussi, par votre mauvais cœur, dit la fadette, d'un ton si dur qu'il en eut de la colère et de la peur encore plus. Je n'ai aucune pitié de votre maladie, parce que je m'y connais assez pour voir qu'elle n'est pas bien sérieuse, et que, s'il y a un danger pour vous, c'est celui de devenir fou, à quoi vous tentez de votre mieux, sans savoir où vous mène votre malice et votre faiblesse d'esprit. Reprochez-moi ma faiblesse d'esprit, dit Sylvie née. Mais quant à ma malice, c'est un reproche que je ne crois point mériter. N'essayez pas de vous défendre, répondit la petite fadette. Je vous connais un peu mieux que vous ne vous connaissez vous-même, Sylvie née, et je vous dis que la faiblesse engendre la fausseté, et c'est pour cela que vous êtes égoïste et ingrat. Si vous pensez si mal de moi, Fanchon Fadet, c'est sans doute que mon frère Landry m'a bien maltraité dans ses paroles. Voilà où je vous attendais, Sylvain. Je savais bien que vous ne me diriez pas trois paroles sans vous plaindre de votre Besson et sans l'accuser. Car l'amitié que vous avez pour lui, pour être folle et désordonnée, tente à se changer en dépit et en rancune. À cela, je connais que vous êtes à moitié fou et que vous n'êtes point bon. Il se peut, dit-elle, que votre parole fût plus mauvaise que votre idée, car j'ai bien à la mienne que vous ne souhaitez pas tant la mort qu'il vous plaît de le laisser croire, afin de rester maître dans votre famille, de tourmenter votre pauvre mère qui s'en désole, et votre Besson qui est assez saine pour croire que vous voulez mettre fin à vos jours. Moi, je ne suis pas votre dupe, Sylvain. Je crois que vous craignez la mort autant et même plus qu'un autre, et que vous faites un jeu de la peur que vous donnez à ceux qui vous chérissent. Je vais vous dire ce qui vous manque pour être un bon et sage garçon, Sylvain. C'est d'avoir eu des parents bien rudes, beaucoup de misère, pas de pain tous les jours, et des coups bien souvent. Si vous aviez été élevé à la même école que moi et mon frère Jeannet, au lieu d'être ingrat, vous seriez reconnaissant de la moindre chose. Tenez, Sylvain, ne vous retranchez pas sur votre bessonnerie. Je sais qu'on a beaucoup trop dit, autour de vous, que cette amitié bessonnière était une loi de nature qui devait vous faire mourir si on la contrariait. Et vous avez cru obéir à votre sort en portant cette amitié à l'excès. Mais jamais, à moins que vous ne soyez fou, je ne croirai que vous ne pourriez pas combattre votre jalousie si vous le voulez. Mais vous ne le voulez pas, parce qu'on a trop caressé le vice de votre âme, et que vous estimez moins votre devoir que votre fantaisie. Sylvie née ne répondit rien, et laissa la fadette le réprimander bien longtemps encore, sans lui faire grâce d'aucun blâme. Il sentait qu'elle avait raison au fond, et qu'elle ne manquait d'indulgence que sur un point. C'est qu'elle avait l'air de croire qu'il n'avait jamais combattu son mal, et qu'il s'était bien rendu compte de son égoïsme, tandis qu'il avait été égoïste sans le vouloir et sans le savoir. Elle se forçait donc pour lui parler durement et pour lui paraître en colère, tandis que dans son cœur, elle sentait tant de pitié et d'amitié pour lui qu'elle était malade de sa feinte et qu'elle le quitta plus fatiguée qu'elle ne le laissait.